Je reviens à l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est très beau, c'est très grand, c'est très bon, c'est très bien. Mais le grand danger de l'ésotérisme, pour tout le monde, dans tout le monde entier, c'est que l'ésotérisme ne fonctionne que pour les gens qui sont naïfs spirituellement. Parce que dans l'ésotérisme, il y a une convention de connaissance. Une convention de connaissance qui n'appartient pas à l'homme, qui ne fait pas partie de l'esprit de l'homme, mais qui fait partie de l'esprit et de l'expérience et de l'intelligence d'êtres qui sont dans l'astral. De sorte que l'ésotérisme qui existe dans le monde, quand je parle d'ésotérisme, là, je parle de la pensée ésotérique. Je ne parle pas de l'hermétisme. Bon, remarquez bien ce que je dis. Moi, je suis une personne réelle. Je suis une personne complète. Je vis une expérience qui est totale. Je vis sur le plan matériel comme je peux vivre sur d'autres plans. Mais je ne suis pas une personne ésotérique. Je ne suis pas ésotérique, je ne suis pas occulte. Je suis une personne bien normale, d'ailleurs plus normale que vous. C'est moi qui est normal, ce n'est pas vous. Alors moi, sur le plan matériel, je suis normal. Dans l'invisible, je suis normal. Et l'ésotérisme et l'occultisme, pour moi, ça n'existe pas parce que... Pour que l'ésotérisme ou l'occultisme existe, il faut pouvoir penser. Et tant que l'on pense, on est obligé de se nourrir de la pensée des autres. Et tant qu'on se nourrit de la pensée des autres, on se nourrit de la pensée de qui? On se nourrit soit de la pensée des maîtres, ou on se nourrit de la pensée de ceux qui sont morts et qui sont dans l'astral. Mais un homme qui est réel ne va pas dans l'astral. Ou s'il va dans l'astral, il va simplement aller dans l'astral pour investiguer, ou pour travailler, ou pour faire quelque chose qui fait partie de ses activités dans l'éthérique. Autrement dit, un homme qui est réel ne peut pas vivre sous la convention de la connaissance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vivre sous la convention de ceux qui sont vivants et conscients ou spirituels, et la convention de ceux qui sont morts et en évolution. Un homme qui est réel n'a pas de maître. Il est maître de lui-même. Alors, s'il est maître de lui-même, il ne peut pas être ésotérique, il ne peut pas être occulte. Il ne peut pas se soumettre à des conventions ésotériques ou occultes. Il peut les comprendre, il peut les savoir. Mais il ne peut pas se soumettre aux conventions ésotériques ou occultes. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est lui-même, autrement dit, qui est dans l'intelligence, est très conscient du fait qu'il n'existe qu'une science dans l'univers, et c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la seule science qui existe. L'intelligence, c'est la science. L'intelligence est science. Et comme l'intelligence est science, il est évident que l'intelligence peut entrer dans tous les domaines de l'expérience humaine, ésotérique, philosophique, métaphysique, ou occulte, ainsi de suite, et aller y regarder dans ces domaines d'expérience et dire « oui, mais ». Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, parce que l'intelligence n'est pas une expérience humaine. L'intelligence n'est pas une expérience humaine. L'intelligence est une énergie qui existe dans le cosmos et qui passe par le radio de l'homme. Mais l'ésotérisme, l'occultisme, si tu fais partie de l'expérience humaine ou fais partie de l'expérience de ceux qui sont sur les autres plans, de l'autre côté, et automatiquement, si l'homme prend de l'expérience qui est codifiée en une science ésotérique et convient avec cette science, autrement dit, convient de la convention de cette science, il n'est pas dans l'intelligence. Il est dans la philosophie de l'intellect. Il est dans la philosophie de l'expérience. Et tant que l'homme est dans la philosophie de l'expérience, il n'est pas complet. Et tant qu'il n'est pas complet, cette expérience lui sert et elle est bonne. Mais je dois faire les bornes. Il y a un terrain. Et lorsqu'un homme achète une terre et qu'il achète une maison, il doit mettre une clôture autour de sa maison et savoir les limites de son terrain. Et l'homme qui va en évolution, qui va vers la conscience supramentale, doit comprendre les limites, ses limites. Et les limites de l'homme sont les limites qui sont autour de sa maison, c'est-à-dire autour de lui-même, c'est-à-dire qui font partie de lui-même, c'est-à-dire qui font partie de son intellect et de son émotionnel. Et un jour, lorsqu'il est dans l'énergie de l'intelligence, à ce moment-là, il enlève les limites, il n'y a plus besoin des limites, et à ce moment-là, il n'est plus ésotérique, il n'est plus occulte, il est un homme, simplement. Ce qu'il fait dans différentes conditions d'expérience. Ça fait partie de sa vie. Mais il ne peut pas être occulte ou ésotérique. Alors, il y a une relation dans le monde entre la naïveté et l'ésotérisme. Il faut bien comprendre ce que je dis. Il ne faut pas interpréter ce que je dis. Et quand je dis qu'il faut comprendre ce que je dis qu'il faut voir ce que je dis et non interpréter ce que je dis. Quand je dis qu'il y a une relation de naïveté entre l'homme et l'ésotérisme, ou la philosophie, ou la psychologie, ou la science de l'intellect, ou la science qui provient de la philosophie d'expérience, je dis deux choses. Je dis que l'homme, un jour, lorsqu'il sera dans l'intelligence pure, lorsqu'il sera en relation vibratoire avec l'énergie, n'aura plus besoin d'ésotérisme. Il n'aura plus besoin d'ésotériser sa pensée parce qu'il n'aura plus besoin de réfléchir sur l'invisible. Ce qui fait que les hommes ésotérisent la pensée, c'est qu'ils réfléchissent sur l'invisible. Et c'est beau, et c'est normal, et c'est grand que l'homme, surtout l'homme de la fin du siècle, philosophise ou pense ou réfléchisse sur l'invisible parce que tous les hommes veulent aller un jour trouver un petit coin quelque part là-bas. Normal. Mais vient le jour où les hommes n'ont plus à philosopher sur l'invisible parce que vient un jour où les hommes ont accès à ceci. Et lorsqu'on a accès à l'invisible, on n'a plus intéressé à faire de la philosophie sur l'invisible. Pas plus que l'homme sur la terre est intéressé à faire de la philosophie de la cuisine ou faire de la philosophie quand il conduit son automobile. Alors, l'homme dans l'invisible qui va dans l'invisible, c'est la même chose. Alors, en attendant, l'homme vit une expérience de naïveté qui est bonne, qui est positive, parce qu'elle lui permet d'aller plus loin, d'extrapoler, de regarder plus loin, d'élargir son champ de vision et de dépasser petit à petit le pouvoir de son intellect sur son intuition. Ça, c'est très bon. Mais un jour, l'homme doit réaliser aussi qu'il doit vivre de son énergie. C'est-à-dire qu'il doit être capable de réaliser son énergie, c'est-à-dire qu'il doit être capable de regarder dans la glace où sont inscrites les lettres de l'ésotérisme et voir que la glace contient un miroir. Et tant que l'homme ne peut pas voir le miroir sur lequel ou contre lequel sont écrites les lettres ésotériques, il est simplement un prisonnier de la pensée, même si c'est une pensée supérieure, il est quand même prisonnier d'une pensée, il est prisonnier d'un sentiment, il est prisonnier d'une spiritualité, et ceci à un certain moment, pas pour le moment, mais à un certain moment, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans un certain nombre d'années, lorsque l'homme entrera en contact avec l'invisible, ne pourra plus exister pour lui. Ceci ne pourra plus exister pour lui parce que dans ce temps, il aura été préparé, il aura laissé derrière lui ses vêtements qui étaient dans le passé bons et parfumés pour être entré nu dans une autre dimension. Alors, les gens qui s'intéressent à l'ésotérisme sont foncièrement, sont obligatoirement liés à une forme de naïveté. Je ne parle pas de naïveté dans un sens négatif, je parle de naïveté dans ce sens, que tant que l'homme n'est pas dans son intelligence pure, il est automatiquement naïf parce que, surtout dans les hauts domaines de la cosmogonie, ou dans les hauts domaines de la métaphysique, ou dans les hauts domaines de la percée de la pensée humaine ou de l'expérience humaine, il n'est pas capable, par lui-même, de voir, de savoir, de comprendre. Il est obligé qu'on lui explique ce qui est là. Et si on lui explique, et s'il est obligé de vivre l'expérience de l'explication de ce qui est là, à ce moment-là, lui doit être éventuellement suffisamment dans son intelligence pour voir que oui, ce que vous dites, monsieur, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça, mais il y a ça. Et l'intelligence, c'est tellement parfait et c'est tellement infini et c'est tellement en dehors de l'homme que lorsque l'homme est réellement dans son intelligence, qu'il rencontre n'importe quel homme dans le monde matériel qui lui dise « il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci », si l'homme est dans son intelligence, il y aura suffisamment d'intelligence en lui pour dire « oui, monsieur, mais il y a aussi cela ». Il y aura toujours quelque chose en dehors de l'ésotérisme ou de l'occultisme philosophique humain. Toujours. Parce que, pour deux raisons. Pour deux raisons. Et ceci est important. Toute connaissance humaine véhiculée par la pensée humaine, toute connaissance humaine rapportée du plan astral pour le bénéfice de la philosophie humaine, fait partie de l'expérience humaine, fait partie de l'expérience astrale, et toute expérience humaine fait partie du royaume du pouvoir de l'âme sur l'homme. Un jour, l'homme ne doit plus être assujetti par l'expérience de l'âme. Un jour, l'homme ne doit plus avoir besoin d'expérience. Un jour, l'homme doit vivre sans expérience. Et tant que l'homme aura besoin d'expérience dans la vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan astral, il sera dominé par la mémoire de l'âme, il ne sera pas dans l'intelligence pure. Et tant que l'homme a besoin d'expérience, il est forcément naïf vis-à-vis surtout les grandes questions de la vie et de la mort, les grandes questions de l'éternité, les grandes questions de l'immortalité, les grandes questions de la conscience atomique, les grandes questions qui frappent l'homme dans le milieu du front parce qu'il pense à l'infinité et veut se rapprocher par le biais de la pensée subjective à ces grandes réalités qui sont infinies et qui font partie du domaine de l'intelligence. Alors c'est très important pour l'homme de comprendre la relation entre la naïveté et l'ésotérisme, ou la philosophie, ou la psychologie, ou tous les ismes, toutes les philosophies, de toutes les couleurs, à tous les niveaux, c'est très important que l'homme réalise qu'il y a en lui de la naïveté tant qu'il est attaché à la forme de ses philosophies, parce que son attachement à la forme de ses philosophies fait partie du fait, ou provient du fait, qu'il est encore dans l'émotivité de son expérience, qu'il est encore dans la recherche, et tant qu'il est dans la recherche, c'est l'âme qui se sert de son émotivité pour lui faire trouver une réponse quelconque selon l'expérience qu'il a besoin, ou qu'elle a besoin. Alors quand je dis que l'homme un jour doit vivre sa vie sans expérience, je dis des choses, je dis une chose extrêmement subtile, extrêmement simple et extrêmement épouvantable pour l'homme qui n'est pas capable de vivre sans l'émotion et sans l'intellect de l'expérience. Jusqu'au moment où il est préparé. Et lorsque l'homme est préparé, à ce moment-là, il vit totalement sans expérience parce qu'il n'a plus besoin d'expérience pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'intelligence. Et tant que l'homme n'a plus d'intelligence, à ce moment-là, il ne vit plus d'expérience. Il vit simplement d'énergie. L'énergie étant la force qui le pousse dans telle ou telle direction. Force avec laquelle il est totalement en harmonie. Force qui le nourrit dans le mental, le nourrit dans l'émotionnel, le nourrit dans le vital et le nourrit dans le physique. Autrement dit, qui lui donne, au fur et à mesure que les années avancent, la capacité d'entrer en contact avec un autre plan de vibration qui vient, qui est en relation avec cette force dont les vibrations changent et qui l'amène à un autre cycle d'évolution. Que l'homme comprenne que c'est avec le temps qu'il comprendra, c'est très important. C'est avec le temps que l'homme comprend, ce n'est pas dans l'instantané que l'homme comprend, c'est avec le temps que l'homme comprend. Parce que comprendre, c'est-à-dire être dans le champ de vision de l'intelligence, autrement dit être dans l'intelligence pure, nécessite que les corps de l'homme soient changés. Et pour que les corps de l'homme soient changés, il faut absolument que son émotivité vis-à-vis son intellect, et l'intellect vis-à-vis son émotivité, s'altère avec les années, avec l'expérience. Et lorsqu'il y a eu suffisamment d'altération, à ce moment-là, il n'y a plus d'expérience, il y a simplement la connexion vibratoire entre tous les plans de l'homme et cette énergie. Et c'est à ce moment-là que la naïveté ne peut plus exister dans la vie de l'homme. Et lorsque la naïveté ne peut plus exister dans la vie de l'homme, l'homme ne peut plus souffrir. Ce qui fait souffrir l'homme dans la vie, c'est la naïveté. Ce qui fait dire à l'homme dans la vie, « Mais oui, j'ai fait telle chose pendant tant d'années, maintenant je suis allé dans telle direction. » Ce qui fait dire à un homme, j'ai été dans telle école pendant telle année, mais ensuite, après un certain nombre d'années, je me suis aperçu que ça ne marchait pas, je suis allé dans une autre. C'est toujours la naïveté. Ce qui fait réaliser à l'homme qu'il a été dans l'astral et que dans l'astral, il y a énormément d'illusions après qu'il a passé par-dessus toute l'exubérance et la joie d'expérience, c'est encore la naïveté. Ce qui fait réaliser à l'homme qu'il est naïf dans la vie, parfaitement naïf, c'est le fait qu'il souffre encore. Et tant que l'homme souffre, c'est parce qu'il a besoin d'expérience. Et tant que l'homme a besoin d'expérience, c'est parce qu'il est encore naïf. Et tant que l'homme est naïf, c'est parce qu'il n'est pas encore dans l'intelligence pure. Alors c'est très important pour l'homme de réaliser sa naïveté à tous les niveaux, même si c'est au niveau familial, ou au niveau de l'école, ou au niveau du type qui va vous vendre une automobile. La naïveté, c'est une condition qui existe chez tous les hommes, plus ou moins. Il y a des hommes qui sont moins naïfs que d'autres, mais il se produit un phénomène dans l'homme. C'est que lorsque l'homme n'est plus naïf suffisamment, lorsque l'homme a perdu suffisamment de naïveté et qu'il est inconscient, il devient mangeur d'hommes. C'est-à-dire qu'il va se nourrir des autres. Le vendeur d'automobile qui est malhonnête, qui voit venir le client, n'est plus naïf, il a beaucoup d'expérience, il a été sur le terrain pendant des années de temps, et automatiquement, il va manger son client, il va le voler. Autrement dit, lorsque l'homme perd de la naïveté, il devient de plus en plus méchant, non pas mauvais. Il y a une différence entre méchant et mauvais. Être méchant, c'est ne pas avoir une attitude positive devant l'homme. Être mauvais, c'est avoir un fond de caractère qui est négatif. Être méchant, c'est ne pas être capable de donner à un autre...